Chapitre 2e. 8 jours à peine s'étaient écoulés depuis les événements que nous venons de raconter, lorsqu'un messager, se disant porteur de nouvelles très importantes, vint frapper à la porte de Juan Pasquale. Le digne fermier était absent, mais Juana n'en fit pas moins entrer le voyageur. Et comme elle avait grand désir de savoir ce qui l'amenait, et que celui-ci n'avait aucun motif de le lui cacher, elle apprit bientôt que son mari, par ordre du roi, était mandé à l'Alcazar de Séville. À cette nouvelle qui réalisait ses pressentiments, il se fit chez la bonne femme une telle révolution que l'inconnu fut obligé de la rassurer en lui affirmant que d'après la voix et le visage qu'avait Don Pedro lorsqu'il lui avait donné l'ordre de le venir chercher, il croyait pouvoir affirmer que son mari ne courait aucun risque. Malgré cette protestation, Juana n'était rien moins que rassurée encore lorsque Pasquale rentra avec son fils. Le fermier reçut la nouvelle qui avait bouleversé sa femme avec la sérénité de visage qui lui était habituelle. Il écouta avec le calme d'un homme qui n'a rien à se reprocher ce que lui dit le messager, et comme le repas était servi, il l'invita à se mettre à table, lui demandant seulement le temps de dîner et de changer d'habit. Pasquale dîna comme d'habitude, mais Juana ne put manger. Emmanuel lui-même, quoiqu'il se modelât sur son père, ne put avoir une telle puissance sur lui qu'il ne manifesta quelques inquiétudes. Le repas fini, Pasquale passa dans sa chambre et revint un instant après, revêtu de ses plus beaux habits. Il était prêt à partir. C'était le moment terrible. Juana éclata en sanglots, criant qu'elle voulait le suivre, qu'on l'envoyait prendre pour le faire mourir, et qu'elle ne devait pas, dans une occasion pareille, se séparer de lui. Ce ne fut pas sans peine que Pasquale parvint à lui faire entendre que c'était impossible. Alors elle se renversa sur une chaise, se tordant les bras et jetant de grands cris. Pasquale connaissait ce paroxysme pour être la fin de la crise. Aussi il se retourna vers Manuel. Manuel était à genoux. Pasquale lui recommanda 3 choses, quelque événement qui arrivât. C'était d'aimer Dieu, d'obéir au roi et de ne jamais quitter sa mère. Puis il lui donna sa bénédiction et remettant Juana entre ses bras, il sortit avec le messager. 2 chevaux les attendaient. Le messager monta l'un, Pasquale l'autre. Et comme c'était d'excellents coursiers andalous, 2 heures après, ils étaient à Séville. Un officier attendait à la porte de la ville. Le messager remit Pasquale entre ses mains, et tous 2 s'acheminèrent vers l'Alcazar. Au fond du cœur, le montagnard n'était point sans inquiétude en voyant la tournure mystérieuse que prenait cette affaire. Mais fort de sa conviction de n'avoir rien fait de mal, il conserva ce maintien grave et calme qui lui était habituel. L'officier l'introduisit, sans lui avoir dit jusque-là une seule parole, dans un magnifique appartement où il l'invita à attendre, puis il se retira, le laissant seul. Quelque temps après, une porte secrète s'ouvrit, et Juan Pasquale vit apparaître un de ses hôtes, c'était le jeune homme aux cheveux blonds. « Juan Pasquale, lui dit-il d'un ton grave mais affectueux, vous vous rappelez qu'en prenant congé de vous, je vous ai promis que nous nous reverrions bientôt. Je me le rappelle, répondit Pasquale. Vous rappelez-vous aussi la conversation que nous eûmes pendant le souper, et comme vous me dites la vérité sur la manière dont la police était faite à Séville. « Je me le rappelle encore, » répondit Juan Pasquale. « Et vous rappelez-vous toujours ce que vous avez dit à l'égard de l'exil de Blanche, de la mort du grand maître de Santiago et du pouvoir de Maria Padilla ? Rien de ce que j'ai dit, monseigneur, n'est sorti de ma mémoire. Eh bien, le roi est instruit de notre conversation. J'en suis fâché, monseigneur. Et pourquoi cela ? Parce que, tout en continuant de pratiquer l'hospitalité comme je l'ai fait jusqu'à aujourd'hui, je serai forcé de m'interdire la franchise, puisque les cavaliers que je reçois reconnaissent ma confiance en la trahissant. « Tu as raison, Pasquale, » répondit l'inconnu, « et cela serait infâme si les choses s'étaient passées ainsi, mais rien de tel n'est arrivé. J'attends alors, monseigneur, que vous daignez m'expliquer cette énigme. L'explication est bien facile, l'un de vos hôtes était Don Pedro lui-même. » « Si l'un des 2 était Don Pedro, » répondit Pasquale en fléchissant le genou, « alors celui-là, sire, c'était votre Altesse. Comment sais-tu cela ?»« Comme il n'y avait qu'un lit dans votre chambre, il était bien simple, ou que mes 2 hôtes couchassent ensemble, ou que ce fut le plus âgé qui prit le lit. Or, quand je suis entré dans la chambre, c'était le plus jeune qui était couché, et le plus vieux qui dormait sur une chaise. De ce moment, je me doutais que vous étiez un très grand seigneur, mais j'étais loin de penser que vous fussiez le roi lui-même. « C'est bien, » dit Don Pedro, « tu es observateur. » « Eh bien, maintenant que tu sais que je suis le roi de Castille, Don Pedro le Cruel, comme on l'appelle, ne crains-tu pas de te trouver en ma présence ?»« Je ne crains rien au monde, mon Seigneur, que d'offenser Dieu ou de trahir mon roi en ne disant pas la vérité. Ainsi, tu persistes dans les opinions que tu as émises l'autre jour. Oui, sire. Tu sais cependant à quoi tu t'exposes, si ce que l'on rapporte de moi n'est point un mensonge. Je le sais. Et tu penses toujours que lorsqu'il est impossible de prévenir un crime, il est toujours possible de le punir. Oui, sire, j'en suis convaincu. Et s'il n'en était point ainsi, quelle serait la cause? La corruption des magistrats. Par Saniago, dit le roi, tu es un intrépide réformateur, et la chose se passerait autrement, je suppose, si tu étais primaire assistente, par exemple. Quoique ce soit une supposition bien gratuite, je n'hésite pas à affirmer à votre Altesse que je le crois. Et tu remplirais ta charge avec une rigueur inflexible? Oui, sire. Au risque de te faire des ennemis parmi les grands? N'ayons pas besoin de leur amitié. Qu'ai-je à craindre de leur haine? Et le roi lui-même, dut-il être compromis, tu ne reculerais pas devant une enquête? Dieu d'abord, dit Pasquale, la loi après Dieu, le roi après la loi. Il suffit, répondit Don Pedro. Puis appelant un domestique avec un sifflet d'argent, faites entrer les 24, continua le roi. Au même instant, les portes s'ouvrirent, et les officiers civils que l'on désigne sous ce nom, qui correspond à celui d'Alderman en Angleterre, parurent dans le costume de leur charge. « Messieurs, leur dit le roi, en plusieurs circonstances, le primaire assistente Don Telesforo, par une indulgence coupable, a failli à son devoir. Don Telesforo n'est plus primaire assistente. Voici son successeur. » À ces mots, il étendit la main vers Juan Pasquale. « Que dites-vous ? » s'écria celui-ci. « Je dis qu'à compter de 7 heures, Juan Pasquale, vous êtes primaire assistente de Séville et que chacun vous doit respect et obéissance. Mais, s'écria le montagnard au comble de l'étonnement, que votre Altesse considère que je n'ai pas un mérite suffisant. Vous avez plus que la science qui s'acquiert, interrompit le roi. Vous avez les vertus que Dieu donne. Mais les grands voudront-ils m'obéir, à moi qui ne suis rien? Oui, sur mon âme, s'écria Don Pedro, car je donnerai l'exemple, moi, qui suis le plus grand parmi les grands. Or, vous entendez ce que j'ai dit, messieurs, cet homme est revêtu par moi de la magistrature suprême. Que toute tête qui ne voudra pas tomber se courbe, tel est mon plaisir et ma volonté. » Il se fit un profond silence dans toute l'assemblée, car nul n'ignorait qu'avant toute chose, le roi Don Pedro voulait être obéi. Un huissier remit alors aux mains de Juan Pasquale la vara, ou verge de justice, tandis qu'un autre lui passait la robe rouge doublée d'hermine, symbole de sa nouvelle charge. « Et maintenant, messieurs, dit Don Pedro, passez dans la chambre voisine. Tout à l'heure, le seigneur Juan Pasquale vous y rejoindra et vous le conduirez au palais du gouvernement où, à compter de 7 heures, il tiendra ses audiences auxquelles nul, entendez-vous bien, nul, même moi, s'il est cité, ne pourra se dispenser de comparaître. Allez !» Tous les assistants sortirent en s'inclinant en signe d'obéissance et Juan Pasquale resta seul avec le roi. « Maintenant, dit Don Pedro en s'approchant de lui, il nous reste à parler des accusations que vous avez portées contre le roi. « Votre Altesse se rappellera, répondit Pasquale, que j'ai ajouté qu'elle n'était pas de la juridiction du primaire assistente. Aussi, n'est-ce point au juge que je veux faire des révélations, c'est à l'honnête homme que je fais une confidence. « Parlez, sire, répondit Pasquale. Vous m'avez reproché d'avoir exilé Blanche de Castille, vous m'avez reproché d'avoir fait tuer le grand maître de Saniago, vous m'avez reproché de vivre publiquement avec une courtisane. C'est vrai, sire. D'abord, vous le savez comme tout mon royaume, Pasquale, Maria Padilla n'est point une courtisane. C'est une jeune fille que j'avais rencontrée chez mon gouverneur Albuquerque longtemps avant mon mariage. Nous étions jeunes tous deux, elle était belle, j'en devins amoureux, elle céda, elle était libre, son honneur était à elle, elle me sacrifia son honneur. J'étais son premier, je fus son seul amant. Les jours que je passais près d'elle à cette époque furent les plus heureux de ma vie. Malheureusement, ils furent peu nombreux. Ma mère et mon gouverneur me dirent que le bien de l'État exigea que j'épousasse Blanche de Bourbon. Longtemps je refusais, car j'aimais Maria plus que mon royaume, plus que ma vie, plus que tout au monde. Mais un matin, que comme d'habitude je me rendais chez elle, je n'y trouvais qu'une lettre dans laquelle elle me disait qu'apprenant qu'elle était un obstacle à la paix de la Castille et au bonheur de mes sujets, elle abandonnait Séville pour n'y plus revenir. Voilà sa lettre, lisez-la et dites-moi ce que vous en pensez. Et le roi remit la lettre à Pasquale et attendit en silence qu'il l'eût achevée. Pasquale la lut d'un bout à l'autre et la remettant au roi. « Sire, dit-il, c'est la lettre d'une fidèle sujette de votre Altesse et je ne puis nier qu'elle ne soit dictée par un noble cœur. Ce que je souffris est au-dessus de la parole humaine, continua Don Pedro. Je crus que je deviendrais fou. Mais à cette époque, j'avais le cœur jeune et plein d'illusions. Je me dis que le bonheur public me tiendra lieu du bonheur privé. Je ne fis point chercher Maria. Je donnai mon consentement au mariage projeté, et pour faire oublier à Don Fadrigue la mort d'Éléonore de Guzman, sa mère, je le chargeai d'aller en mon nom au-devant de ma jeune épouse. Il obéit, pour notre malheur à tous trois, car lorsqu'il arriva à Séville avec la reine, il aimait la reine, et la reine l'aimait. Je fus longtemps sans m'apercevoir de cette passion, qui, toute innocente qu'elle était par le fait, n'en était pas moins adultère par la pensée. J'attribuais la froideur de la jeune reine à son indifférence pour moi. Je vis bientôt que je me trompais et que je devais m'en prendre à son amour pour un autre. La reine parla pendant son sommeil et je sus tout. Le lendemain de la révélation fatale, elle partit pour le château de Tolède, où, je vous le jure, Pasquale, sous la garde d'Inestrosa, l'un de mes plus fidèles serviteurs, elle fut traitée comme une reine. Un mois ne s'était pas écoulé que je reçus une lettre d'Inestrosa qui me disait que Don Fadrigue avait tenté de le séduire. Je répondis à Inestrosa d'entrer en apparence dans les complots de mon frère et de m'envoyer les copies des lettres que celui-ci écrirait à Blanche jusqu'au moment où il en trouverait une d'une assez grande importance pour m'adresser l'original lui-même. De ce jour, le château de Tolède devait pour Blanche se changer en prison. Deux mois après, je reçus cette lettre. Et Don Pedro, comme il l'avait déjà fait, présenta cette seconde preuve à Pasquale. Le primaire assistente la prit et la lut. Cette lettre était tout entière de la main de Don Fadrigue et contenait la révélation d'un complot contre le roi. Don Fadrigue s'était associé à la Ligue des Seigneurs commandée par Henri de Transtamar, son frère, et écrivait à Blanche de se rassurer, lui promettant qu'elle ne demeurait pas longtemps sous la puissance de celui qu'elle détestait. Pasquale rendit la lettre en soupirant. « Que méritait l'auteur de cette lettre ?» demanda le roi. « Il méritait la mort, » répondit le juge. « Je me contentais de le dépouiller de sa maîtrise. Mais alors, comme il ignorait que je susse tout, savez-vous ce qu'il fit ? Il sauta sur un cheval, et plutôt que de fuir pour gagner les frontières de mon royaume, il vint droit à Séville, l'insensé. Je ne voulais pas le voir. » Il força la garde en disant qu'il était mon frère et que ce palais lui appartenait aussi bien qu'à moi. Alors je le laissai entrer. Savez-vous ce qu'il venait faire, Pasquale ? Il venait, disait-il, me demander raison de l'affront qu'il avait reçu. J'avais les copies de toutes les lettres qu'il avait écrites à la reine. Je les lui montrais. J'avais cette même lettre que vous venez de voir. Je la lui montrais encore. Et alors, Pasquale, savez-vous ce qui se passa entre nous deux ? Au lieu de tomber à mes genoux, au lieu de baiser la poussière de mes pieds comme le devait un traître, il tira son épée, monsieur le juge. Grand Dieu ! S'écria Pasquale. Oh, heureusement que je connais mes frères et que j'étais en garde, répondit en riant Don Pedro. Oh, je l'avoue, oui, j'eus un moment d'atroce plaisir lorsque je sentis son fer contre le mien. Aussi, je me gardais bien appelé. Je voulais le tuer moi-même. Mais au bruit de notre combat, les balestéros de Mazza accoururent. Et avant que j'aie eu le temps de proférer une parole, l'un d'eux lui brisa la tête d'un coup de masse. Ce n'était point ce que je voulais, je vous le répète, ce que je vous l'ai dit, c'était le tuer de ma propre main. Il avait mérité son sort, dit Pasquale. Dieu lui pardonne sa trahison. Oui, mais lorsqu'il fut mort, celui que j'aimais comme un frère et qui m'avait trahi, lorsqu'elle fut éloignée, celle que j'aurais voulu aimer, comme une épouse et qui m'avait trahi aussi, je me trouvais seul au monde, et je pensais à Maria Padilla, par laquelle j'avais eu de si heureux jours. Je la fis chercher par tout le royaume, et lorsque j'appris où elle était, je courus moi-même sans permettre qu'on l'avertît. Et tandis que les autres conspiraient contre ma vie, je la trouvais dans son oratoire et priant pour moi. Maintenant, vous savez ce que j'avais à vous dire. Voilà Don Fadrigue et voilà Don Pedro. Jugez entre nous. Voilà l'épouse et voilà la courtisane. Jugez entre elles. Sire, répondit le juge, vous n'êtes encore que Pierre le justicier. Tâchez de ne pas devenir Pierre le cruel. » Et s'inclinant devant le roi, il alla rejoindre le 24 os, qui, ainsi que nous l'avons dit, l'attendait dans la chambre à côté.